Bonsoir tout le monde, on va continuer avec le dernier atelier ici pour cette journée. C'est l'atelier Marx et Trio que Jérôme va nous présenter. On va commencer par la présentation, 45 minutes. Après, on prendra une pause. Pendant la pause, si vous avez des interventions déjà prêtes, vous pouvez venir me dire que vous voulez faire une intervention. Et après la pause, on fera la discussion. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la présentation. Ok. Bon, camarades de cette discussion, la nécessité de cette discussion, elle est partie d'un constat simple qu'on a fait en France, mais en Belgique aussi ces dernières années, c'est que les idées de Bernard Friot ont une influence grandissante dans une fraction de la gauche, et en particulier dans la jeunesse étudiante, enfin le public qu'on vise. On nous arrive fréquemment de croiser sur des manifestations à la fac des gens qui nous disent j'aime bien les idées de Friot, je regarde ses vidéos, je lis ses bouquins, qu'est-ce que vous en pensez? Et nos camarades étaient relativement désarmés pour répondre, parce que en bons camarades, ils n'ont pas lu Friot, ils ont plutôt lu Marx. Ils sont en train de lire Lénine, Trotsky, et ils ont raison. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, il nous faut une autre réponse que oui, mais nous on lit Marx. Il faut qu'on soit capable d'avoir une réponse pertinente, claire, à ces idées-là. D'autant plus qu'il se présente lui-même comme un marxiste, ou s'inspirant de Marx. Donc on trouve dans ses livres parfois des piques contre les marxistes orthodoxes. Donc il laisse entendre que lui, c'est pas un marxiste orthodoxe, mais en tout cas, il serait quand même du marxisme. Sur une manif récemment, j'ai croisé un jeune qui disait que Friot était un développement du marxisme, de la pensée marxiste, et que Friot avait résolu les contradictions qui demeuraient dans les trois livres du Capital. Et il y croyait. Et Friot laisse entendre ça, laisse entendre que finalement son développement théorique, c'est un prolongement du marxisme. Le fait est qu'il emprunte certains concepts à Marx, on le verra. Mais il les emprunte à Marx pour immédiatement les noyer et les dénaturer dans un appareil conceptuel et théorique qui n'a plus rien à voir avec le marxisme, plus rien à voir sur le plan théorique, mais plus rien à voir aussi et en conséquence sur le plan pratique, c'est-à-dire sur le plan de la stratégie, du programme, des mots d'ordre et de ce que devrait faire le mouvement révolutionnaire. Donc quand on connaît un minimum les idées du marxisme, l'indigence théorique des bouquins de Friot, de ses écrits, ça saute aux yeux, si on maîtrise un tant soit peu le marxisme. Et pourtant, ces idées ont du succès. Et il faut qu'on comprenne les raisons de ce succès, d'abord. Parce que quand une idéologie comme ça, quand un corps d'idées a du succès et attire du monde, il y a une raison. C'est pas un hasard. Moi, j'en vois deux raisons. La première, c'est la simplicité des solutions qu'il présente. Il dit, il faut un système élargi de cotisations sociales, il faut imposer des cotisations sociales dans toutes les entreprises, d'une part, et d'autre part, il faut attribuer un salaire à vie à tout citoyen dès l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort. Et ce salaire sera réévalué au fil de l'année, au fil des compétences qu'il va acquérir, etc. Et avec ça, ça n'est fini de tous les problèmes du capitalisme, ça n'est fini des inégalités, ça n'est fini du chômage, de la misère et de tout le reste. Donc ça sonne comme une idée simple, des solutions simples, beaucoup plus simples que, vous voyez bien dans nos discussions, la complexité du travail syndical, construire un parti, la tactique, le programme, l'entrisme, tout ce que vous voulez, le programme de transition, c'est plus simple. Et ça me fait penser à la taxe Tobin, à l'époque où j'ai commencé la politique, donc il y a un paquet de temps, il y a 20 ans, et c'était la taxe Tobin, c'était ATTAC. Vous connaissez ATTAC, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas, il y a une présence dans PAC en France. Il disait, la taxe Tobin, c'est simple, il suffit de taxer les transactions financières qui circulent sur les marchés financiers mondiaux, une taxe de 0,00x%, je ne sais plus ce que c'est exactement, et vous prenez l'argent de cette taxe, et puis vous financez les services publics, vous financez les allocations chômage, vous financez l'ensemble des dépenses sociales, et le tour est joué. Et il y avait un soutien massif. La taxe Tobin, c'était quelque chose qui avait énormément de popularité, et tout le monde dans la gauche, pas tout le monde, mais beaucoup de monde disait « Arrêtez avec votre marxisme, c'est démodé, maintenant c'est la taxe Tobin ». Ça fait un peu passer à ça, Friot. Mais il y a une deuxième raison pour le succès de Friot, qui est peut-être plus importante encore, c'est l'apparente radicalité de ces idées. Parce que, et ça c'est un progrès, ça marque un progrès par rapport à la mode, parce que c'était une mode et ça a disparu, de la taxe Tobin, c'est que Friot, il prétend vouloir en finir avec le système capitaliste. Désormais, dans son dernier bouquin « Vaincre Macron », il fait un truc nouveau, c'est qu'il se caractérise comme communiste, et son projet comme communiste, qu'il ne faisait pas tout à fait avant. Il explique d'ailleurs, il disait avant je me planquais, mais maintenant avec la crise et tout, je peux y aller carrément, je parle de communisme. Et ce qui dénote déjà de sa mentalité, c'est-à-dire que pendant 20 ans, il n'osait pas dire qu'il était communiste, bon maintenant il le dit, et pourquoi pas, sauf que ce n'est pas du communisme, mais ça sonne comme, c'est-à-dire, ça, on a l'impression qu'il s'agit d'une rupture radicale avec l'ordre établi, et d'en finir avec le capitalisme et d'instaurer une société communiste, ou en tout cas non capitaliste. En fait, on verra que son communisme, c'est encore du capitalisme, plus exactement un capitalisme impossible, un capitalisme qui n'existera jamais, mais c'est, si on le décrit, encore une économie de marché, en tout cas. Il n'empêche, ceci dit, que l'objectif déclaré d'en finir avec le capitalisme est posé par les idées de Friot, et ça marque un progrès par rapport à la taxe Tobin et à ce genre d'idées qui avait cours au début des années 2000, donc avant la crise de 2008. Est-ce que ça, et malgré la confusion de cette théorie, il faut bien qu'on comprenne, nous, dans nos discussions avec les jeunes qui défendent cette théorie, les théories de Friot, que ça marque quand même, ça exprime de façon confuse, mais ça exprime la recherche d'une alternative au système capitaliste. Et on doit partir de ce point de vue-là quand on discute avec les jeunes qui défendent les idées de Friot, parce que cet élément-là, on le prend pour nous, bien sûr, on l'accepte. Oui, il faut une alternative au système capitaliste, mais pas n'importe quelle alternative, pas sur la base de n'importe quelle théorie et n'importe quelle démarche et n'importe quel programme. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une attitude arrogante, en mode Friot c'est n'importe quoi, vive le marxisme, parce que ça va pas marcher, et pas traiter ça de haut, en disant c'est du réformisme, etc. Parce que pour beaucoup de jeunes qui défendent les idées de Friot, c'est pas du réformisme, et c'est mieux que le réformisme qu'on a tous les jours et dont on a parlé, notamment tout à l'heure dans la session sur le syndicalisme. Donc j'en viens aux idées de Friot. Ça risque d'être parfois un petit peu abstrait, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de Friot. Parce que c'est lui-même assez abstrait. Je vais essayer de rendre ça clair. Bon, il s'inspire d'une idée de Marx, qui expliquait que le mouvement ouvrier ne doit pas limiter son combat au domaine de la distribution. Vous trouvez ça chez Marx, par exemple, vous trouvez ça dans le salaire, prix et profit à la fin, mais vous le trouvez dans toute son œuvre. C'est-à-dire, il dit le mouvement ouvrier ne peut pas se contenter de lutter pour la répartition des richesses créées par les travailleurs entre, d'un côté, les capitalistes et, de l'autre, les travailleurs eux-mêmes. Ça ne doit pas être une lutte pour une meilleure distribution des richesses créées. Il faut engager la lutte dans le domaine de la production, c'est-à-dire le mouvement ouvrier doit aussi et au final se fixer comme objectif de révolutionner les rapports de production. Donc d'en finir avec les rapports de production capitalistes et de lutter pour des rapports de production socialistes puis communistes via l'expropriation, la nationalisation, vous savez. Donc ça c'était une idée de Marx. Il expliquait, en critiquant les réformistes, ceux qui luttent uniquement dans le domaine de la distribution, c'est une lutte sans fin. Et c'est une lutte perdue d'avance. Par exemple, les réformistes qui disent on est pour une meilleure ou pour un plus juste partage des richesses, c'est sans fin parce que les lois de développement du système capitaliste font que les inégalités de richesses ne cessent de s'accentuer par le mécanisme même de la concentration du capital. Et on le voit bien aujourd'hui, enfin les chiffres qui sortent ne cessent de confirmer ça, qu'il y a toujours une plus grande quantité de richesses entre un nombre toujours plus petit de mains. Et donc les inégalités sociales qui se creusent sous le système capitaliste ne sont pas tellement l'effet d'une mauvaise répartition des richesses a posteriori, mais sont l'effet des lois mêmes du développement du capitalisme qui a tendance à concentrer davantage les richesses entre les mains de quelques-uns. Donc, sous le capitalisme, non seulement les richesses seront toujours inégalement partagées, mais elles le seront de plus en plus. Donc, Marx disait, il faut donc en finir avec le mode de production capitaliste lui-même. Friot s'inspire de cette idée générale, évidemment correcte, de Marx, mais il la pousse jusqu'à l'absurde, et il dit, en gros, même pas en gros, il dit, le mouvement ouvrier doit se désintéresser de la lutte pour la distribution des richesses. Le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est la somme des valeurs créées, des richesses créées par les travailleurs. Pas la plus-value, hein. La plus-value, c'est le profit. Mais la part de la valeur ajoutée qui se distribue entre profit d'un côté et de l'autre, salaire ou salaire socialisé, etc., la part des travailleurs, ce que reçoivent les travailleurs, ça ne nous intéresse pas. C'est hors sujet. Et voire c'est réactionnaire. Parfois, il caractérise certaines revendications traditionnelles du mouvement ouvrier pour un autre partage, enfin pour qu'une plus grande partie des richesses créées par les travailleurs revienne aux travailleurs, sous la forme de salaire ou sous d'autres formes. Il dit non, mais ça, c'est réactionnaire carrément. C'est-à-dire, non, si on s'engage dans cette voie, c'est contre-productif. Et donc, il est contre la lutte pour la baisse du temps de travail. Ça, il dit, explicitement, c'est réactionnaire. Le mot d'ordre, baisser le temps de travail et, en baissant le temps de travail, redistribuer le travail disponible entre tous les travailleurs, donc pour faire baisser le chômage, mot d'ordre réactionnaire. Inutile et réactionnaire. La lutte pour l'augmentation des salaires. Ben oui, augmenter les salaires, c'est pas renverser le système capitaliste. C'est dans le cadre du système capitaliste, vous augmentez la part de richesse qui revient aux travailleurs, créée par le travailleur, mais qui revient aux travailleurs, et vous baissez, ça tend à baisser dans l'immédiat le profit. Inutile. L'augmentation des pensions de retraite, inutile. Revenir en France, pour ceux qui... En France, avant, on avait 37 années et demie de cotisation pour la retraite à 60 ans. Ça a été perdu, maintenant c'est 42 ou 43 années de cotisation, et la retraite est à 62 ans, je crois. Les syndicats qui disent qu'il faut revenir à l'ancien système, non, ça c'est ça, Friot, il dit, on s'en fout, c'est pas important. Et tout à l'avenant, l'augmentation des allocations chômage, l'augmentation des minima sociaux, tout ce que vous voulez, c'est hors sujet selon lui. Et là, c'est là qu'il y a une divergence évidente et frappante avec le point de vue marxiste. Marx n'a jamais dit un truc pareil. Marx n'a jamais opposé de façon rigide la lutte pour des réformes et la lutte pour la révolution socialiste. Jamais. Et pour cause, la lutte des classes se développe nécessairement d'abord dans le cadre de la lutte pour des réformes. Les travailleurs ne pourraient jamais en venir à des conclusions révolutionnaires, à la nécessité de prendre le pouvoir et de réorganiser l'économie sur des bases socialistes, sans être préalablement passés par toute une série de luttes au cours desquelles ils découvrent les limites de la lutte pour des réformes. Et ils se heurtent, dans la lutte pour des réformes, aux obstacles inhérents à cette lutte. Et notamment, quand il y a une crise, ils se rendent compte que les réformes qu'ils ont gagnées dans la période passée, ils la perdent par la suite. Donc jamais il est venu à l'esprit de Marx, vous ne trouverez jamais dans Marx, et vous trouverez le contraire, l'idée que la lutte pour des réformes, on s'en fout, il faut uniquement lutter pour la révolution socialiste. D'ailleurs, les marxistes, on ne défend pas que notre programme, il n'est pas uniquement constitué d'une revendication. Nationalisation des moyens de production, planification de l'économie, et tout ira pour le mieux. Si on n'avait que ça à dire aux travailleurs, ça ne marcherait pas. On a ce qui s'appelle un programme de transition. Vous connaissez la plupart, j'imagine, le programme de transition de Trotsky. Il y a un programme de transition en période de crise, c'est-à-dire qui est particulièrement adapté à la période qu'on vit aujourd'hui. Vous trouvez dans le programme de transition de Trotsky des choses comme comment ça s'appelle déjà ça, l'échelle mobile des salaires. Les salaires doivent suivre les prix, l'inflation, qui est une mesure transitoire dans les limites du capitalisme pour la redistribution des richesses créées entre travailleurs et capitalistes. Ce n'est pas une mesure qui en finit avec le capitalisme. De même, la baisse du temps de travail et l'embauche corrélative des travailleurs avec le temps de travail libéré. Donc le programme de transition marxiste, précisément c'est un programme de transition vers la révolution socialiste, mais il doit partir des préoccupations, de la vie concrète et des luttes concrètes des travailleurs qui sont d'abord des luttes pour leur pain, pour le travail, pour leurs conditions de travail et pour leur pain et lier ces luttes-là à l'objectif de renverser le capitalisme. C'est ça la signification d'un programme de transition. C'est le pont entre les revendications immédiates, l'état de conscience et des luttes du mouvement ouvrier et l'objectif révolutionnaire. Ce pont, Friot, il le détruit en quelque sorte, et il va directement à l'arrivée. Encore qu'on verra de quelle arrivée il s'agit. À elle seule, cette erreur, cette façon d'évacuer complètement les revendications transitoires, la lutte pour des réformes, À elle seule, cette erreur fait perdre toute valeur pratique aux idées de Friot. Elles ne pourront jamais s'enraciner dans le mouvement ouvrier. Et comme la taxe Tobin ne pouvait pas s'enraciner vraiment dans le mouvement ouvrier. L'organisation de Friot, le réseau salarial, ne sera rien d'autre qu'une secte. Parce que comment vous voulez, avec des idées pareilles, pénétrer le mouvement syndical, rentrer dans les entreprises et convaincre des travailleurs? C'est pas possible. Donc ça restera une mode. C'est une mode qui peut durer un certain temps, ceci dit. On ne peut pas se contenter d'attendre que ça passe, en se disant « ça passera ». Et ça passera à Friot. Je ne sais pas quand, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on n'en parlera plus. On aura changé de mode, probablement. Parce que ce ne sera pas encore le marxisme qui aura, dans l'immédiat, une assise de masse. Mais cette mode passera, simplement, nous, il faut qu'on en parle maintenant, parce qu'elle existe maintenant, et qu'il faut répondre maintenant aux jeunes qui s'orientent vers ces idées, qui défendent ces idées. Alors, pour appuyer son rejet des revendications portant sur le partage des richesses, Friot dit, depuis 30 ans, on perd. Depuis 30 ans, les syndicats, ils essayent d'obtenir des augmentations de salaire, d'obtenir... ou même de lutter contre les contre-réformes, et ils perdent. On va des défaites en défaites. C'est exact. C'est vrai. Et en France, si vous regardez les 30 dernières années, il y a plus de défaites que de victoires. Et il y a une régression. Je vous ai parlé des retraites. On est passé de 37,5 années de cotisation pour une retraite à taux plein. On est à 42 années, etc. Et puis dans tous les domaines, salaire, retraite, santé, etc., il y a une baisse. Mais Friot ne consacre pas une ligne, en tout cas, pas dans le seul bouquin de lui que j'ai lu, mais j'ai jeté un deuxième et je n'ai rien vu. En tout cas, dans un bouquin qui est censé faire la synthèse, il pourrait consacrer une ligne à ça. Il ne consacre pas une ligne aux causes de ces défaites. Il analyse, il ne dit rien sur la dégénérescence des directions du mouvement ouvrier. On vient d'en parler dans la session sur le syndicalisme. Il ne dit rien sur la complicité des dirigeants avec les gouvernements, avec le patronat, et avec le fait que les dirigeants non seulement ne luttent pas, mais en réalité négocient des contre-réformes. Il ne dit rien sur l'impact de la crise économique qui ne date pas de 2008, parce qu'il y a eu d'autres phases de crise avant. L'impact de cette crise sur la lutte syndicale et sur la dérive droitière des directions syndicales, il n'analyse absolument pas concrètement l'état du mouvement syndical, l'état des dirigeants syndicaux et les causes fondamentales du lutte, par exemple les journées d'action. Les modalités d'action du mouvement syndical, ils disent on a perdu, on n'a pas gagné, mais quelles étaient les modalités de lutte? Ils s'en foutent, ça n'intéresse pas. Ils constatent qu'il y a eu beaucoup de défaites ces 30 dernières années et ils disent par conséquent, le problème, c'est qu'on se trompait d'objectif. Si on a perdu, c'est que l'objectif était mauvais, c'est qu'on a lutté pour le partage de la valeur ajoutée, le partage des richesses, alors qu'il fallait lutter pour autre chose, il fallait lutter pour une révolution dans le mode de production, un changement fondamental dans le mode de production. Bref, il jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, qu'on ne sait pas. Il y a une chose de juste dans son propos, c'est qu'effectivement, le fait que les dirigeants syndicaux aient abandonné la lutte pour le socialisme, c'est un élément fondamental du fait qu'ils passent sur le terrain des réformes, de la lutte pour des réformes, et donc sur le terrain de la lutte pour les contre-réformes. Et là, avant tout, c'est l'abandon d'une perspective révolutionnaire qui fait en quelque sorte descendre inévitablement les directions syndicales vers une position contre-réformiste. Mais ça non plus, il n'analyse pas. Bref, à ce stade, on pourrait dire, si vous n'avez jamais lu Friot, à entendre ce que je vous raconte, bon, mais en gros, Friot, il défend une position classiquement ultra-gauchiste. Ça peut sembler être ça. C'est-à-dire, ils se contentent, comme le font certaines organisations, parfois, de proclamer la supériorité du socialisme sur le capitalisme, de proclamer la supériorité du communisme sur le capitalisme, et de dire il faut une révolution, et tout le reste ne m'intéresse pas. Certaines organisations d'extrême-gauche font ça. Mais en fait, non. Il se dit communiste, mais il ne parle jamais, vous ne trouverez jamais la trace dans ses bouquins, et pour en avoir parlé avec lui une fois sur une manif il y a quelques années, c'était très clair, il me l'a répété, ni nationalisation, ni expropriation, ni planification. Il est contre. C'est pas le sujet. Donc, c'est un communisme sans nationalisation, sans expropriation et sans planification de l'économie. Donc déjà, ça, c'est un drôle de communisme. On soupçonne que c'est un drôle de communisme. Il parle jamais de révolution à proprement parler. Il décrit ça comme un processus graduel qui peut se dérouler relativement paisiblement, si on y met de la bonne volonté. Et la transformation du mode de production qu'il défend, il en trouve le modèle, et même la substance, je dirais, dans la création du régime général de sécurité sociale en France en 1946. Alors, comme vous n'êtes pas tous français, qu'est-ce qui s'est passé en 1946, à l'époque de la Libération, quand le mouvement communiste était très fort, quand il y avait une situation pré-révolutionnaire en France, potentiellement, en réalité, si le Parti communiste français l'avait voulu, avec ses 500 000 adhérents, avec 5 millions de personnes de syndicalisés à la CGT, ils auraient pu prendre le pouvoir. La bourgeoisie a été obligée de faire des concessions majeures. Bourgeoisie, dont une bonne partie était discréditée par la collaboration avec le régime de Pétain et avec les armées d'occupation nazie. La bourgeoisie, De Gaulle et compagnie, ils ont dû faire des concessions. Et l'une de ces concessions, c'était d'accepter, dans le programme du Conseil national de la Résistance, un système de la sécurité sociale. Donc des cotisations étaient prélevées dans les entreprises pour financer, donc sur la valeur ajoutée, pour financer les retraites, l'assurance maladie et les allocations familiales. Okay. Donc pour Friot, c'est ce qu'il appelle un déjà-là communiste. C'est déjà-là, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas remarqué, mais c'est le début, il dit, d'une subversion du mode de production capitaliste. C'est le début du communisme qui commence à arriver dans le pays. Et en réalité, c'était une trahison des dirigeants communistes qui auraient pu prendre le pouvoir et qui ont fait ce compromis avec la bourgeoisie. Mais alors ça, si vous dites ça à Friot, quand je lui dis, il était « Ah, mais c'est un trotskiste !» Bah oui, c'est vrai. C'est un peu vrai. Mais pour lui, c'était absolument pas une trahison et c'était formidable. Mais pour lui, c'est ça, 46. La création de la sécurité sociale en 46, c'est le modèle de ce qu'il veut faire et ce qu'il veut développer. Et il écrit, je cite, « À compter de cette date, 1946, les sommes colossales collectées par la cotisation sociale rémunèrent comme du travail des activités auparavant tenues pour improductives, les services de santé, l'activité des retraités, le travail d'éducation des enfants à la maison. Okay » Donc, les cotisations rémunèrent des activités auparavant tenues pour improductives, et je vous ai donné la liste. Ça, c'est la thèse centrale de Friot, l'économie. C'est qu'il affirme que les services de santé publics, l'ensemble du secteur de santé publique, tout ce qui est financé par les allocations santé, par la sécurité sociale, mais aussi le travail des fonctionnaires, parce qu'après, il dit même l'impôt en général, c'est pas que les cotisations sociales, mais l'impôt ou certains impôts, c'est pareil, c'est le même système, c'est aussi communiste. Le travail des fonctionnaires, mais aussi l'activité des retraités et les activités domestiques à la maison, toutes ces activités-là sont du travail rémunéré sur la base de la valeur qu'elles créent. Et là, je vous dis que ça devenait un peu abstrait, mais donc, les fonctionnaires, les médecins, les infirmiers et les infirmières, à la maison aussi, quand vous travaillez à la maison, ou quand vous êtes en retraite, vous créez de la valeur, et c'est cette valeur-là qui est la source, la substance de ce que vous allez recevoir sous forme de salaire en retour. Donc, et en outre, la valeur qui est créée par les fonctionnaires, par les médecins du public, mais aussi par les retraités, et en fait, il dit aussi par les chômeurs et par plein de monde, ou que vous créez à la maison en faisant de la vaisselle ou autre chose, cette valeur-là, vous créez de la valeur communiste. Dans son dernier bouquin, Vaincre Macron, c'est clairement dit, il y a la valeur capitaliste, celle que vous connaissez, hein, qui est créée dans le processus d'exploitation de la force de travail et qui crée une plus-value. Ça, c'est la valeur qui circule et qui est le pilier du système capitaliste. Mais parallèlement, sans que vous vous en rendiez compte, il y a une création de valeurs communistes en permanence. Et si bien que quand un CRS, qui est un fonctionnaire, vous tape dessus sur une manifestation, soulagez-vous, il est en train de créer de la valeur communiste. C'est quand même une consolation. Il faudra signaler à ceux qui se font taper. Alors, bref, Friot a découvert deux formes de valeur dans la société capitaliste. La valeur capitaliste, exploitation de la force de travail, qui génère une plus-value, etc. La marchandise est vendue, enfin bon, j'en parlerai je crois après. Mais parallèlement, une valeur communiste, qui circule aussi en permanence. Et les deux valeurs, valeur communiste et valeur capitaliste, se disputent en quelque sorte l'hégémonie de l'économie en permanence. Évidemment, Friot est pour la victoire définitive de la valeur communiste sur la valeur capitaliste. Bon, d'un point de vue marxiste, tout ça c'est faux. ça ne tient pas debout sur le plan théorique. C'est là, ça va peut-être devenir un peu abstrait, mais vous me direz. Le capitalisme, ça repose sur la création de valeur sur la base de l'exploitation de la force de travail d'un salarié qui, à la fin de sa journée, a créé davantage de valeur qu'il ne lui en revient sous la forme de salaire. C'est le principe de la plus-value, du profit. Et c'est la seule valeur qui compte aux yeux, non seulement du capitaliste individuel, mais du système capitaliste en général. Le système capitaliste ne fonctionne que s'il crée ce type de valeur-là, sur la base de l'exploitation de la force de travail dans le processus de production capitaliste. Marx disait, du point de vue du capitalisme, c'est pas une question morale, il disait du point de vue du capitalisme, le seul travail productif à proprement parler, c'est le travail qui génère du capital. Tous les autres travaux peuvent être des travaux utiles, peuvent être des travaux même beaucoup plus utiles que certains travaux dans le cadre de l'exploitation capitaliste. Un médecin du secteur public, il va faire un travail plus utile que le travailleur qui va fabriquer des bombes, qui vont atterrir au Yémen. Et pourtant, il y en a un qui fait de la valeur, et l'autre, il marque qui est un travail productif, l'autre, d'un point de vue capitaliste, n'est pas du travail productif à proprement parler. Bon, voilà le système capitaliste, comment il fonctionne. Dans le cadre de ce système, qu'est-ce que c'est que la cotisation sociale dont Friot fait la source de la valeur communiste? Eh bien, et ça, il ne veut pas l'entendre, ou il l'évoque, mais pour le rejeter aussi sec, la cotisation sociale, ça n'est rien d'autre que la ponction d'une fraction de la valeur créée dans le processus d'exploitation des travailleurs sous le capitalisme, dans une entreprise capitaliste, une ponction sur cette valeur ajoutée qui va alimenter une caisse et qui va être distribuée sous la forme de différentes allocations, allocations qui vont financer ou pas un travail utile, pas nécessairement, je veux dire, la retraite, c'est pas pour financer un travail utile, bon, les médecins dans le secteur public, c'est autre chose, le fonctionnaire, c'est autre chose, mais en tout cas, la source de cette valeur, c'est la valeur créée dans le cadre de l'exploitation capitaliste. C'est, si vous voulez, du salaire socialisé, puisque ça revient, c'est une fraction de la richesse créée par le travailleur, qui ne lui revient pas directement sous la forme de son salaire direct, ce qu'on appelle en France le salaire net, mais qui est dans le brut, qui est sur la fiche de paye, c'est une partie du brut, c'est-à-dire qu'il va ensuite lui revenir, le jour où il sera malade, il va aller chez le médecin, et a priori, il va payer qu'une fraction de ce que le médecin va encaisser, ou alors il aura droit à la retraite, ou il aura droit aux allocations au chômage, etc., etc. Et donc c'est ce qu'on appelle du salaire socialisé. Mais ce n'est pas pour autant... Alors bien sûr, c'est un progrès par rapport à quand il n'y avait pas de système de retraite et pas de système d'assurance maladie, etc. On est pour. On n'est pas en train de dire que Friot nous vend un truc qui n'est pas bien. La sécurité sociale est une conquête, et une conquête qui est évidemment constamment attaquée. Mais ça n'est pas pour autant, le système de sécurité sociale, une transformation qualitative du mode de production capitaliste, certainement pas, ni la création d'un nouveau type de valeur, d'une valeur communiste, ou alors, si vous y réfléchissez bien, ça veut dire qu'il y a deux valeurs qui sont créées en même temps de la même source. Je vous rappelle que la source de la cotisation sociale, c'est la valeur créée dans l'entreprise capitaliste. Et donc, on ne sait pas par quel miracle, cette valeur créée tout d'un coup se dédouble et existe sous la forme de valeur capitaliste d'un côté et revient sous la forme de valeur communiste dans le travail utile du médecin, de l'infirmier, du fonctionnaire, etc. J'ai perdu combien de personnes, là ? Bref, c'est un truc, il dédouble la valeur, mais elle est créée deux fois. Bon, en fait, si on y réfléchit bien, la lutte pour le système de sécurité sociale, elle s'inscrit, contrairement à ce que dit Friot, entièrement dans la lutte réformiste pour le partage de la valeur ajoutée. Ce n'est pas une transformation du mode de production capitaliste, c'est un élément de la lutte pour le partage de la valeur ajoutée, puisque vous avez une fraction de la valeur totale créée, comment on appelle ça là, je l'ai dit là, bref, peu importe, une fraction des richesses créées, qui est ponctionnée sous forme de salaire socialisé, et qui revient aux travailleurs. Donc on ne sort pas de la lutte pour la réforme, on ne sort pas de la lutte pour le partage de la valeur ajoutée. On est dans la lutte pour le partage de la valeur ajoutée entre d'un côté les profits et de l'autre les salaires, qu'ils soient directs, le SMIC, le net, ou indirects, c'est-à-dire les allocations diverses et variées. On ne sort pas de ça, contrairement à ce qu'il dit. La partie socialisée du salaire, si vous voulez, mais comme le salaire direct, ça fait partie du prix de la force de travail. Le capitaliste, il doit acheter la force de travail. Mais la force de travail, comme Marx explique, c'est une marchandise particulière, parce que son prix, il n'est pas fixé simplement par... il y a un élément historique et moral dans le prix de la force de travail, parce que selon le niveau de la civilisation, selon le niveau culturel, selon le niveau de la lutte des classes, etc., les travailleurs, ils vont considérer que leur force de travail, elle vaut plus cher que ce que veut le patron, parce qu'ils veulent, pouvoir consommer, pas simplement... C'est quoi le prix basique de la force de travail? Marx, il explique, c'est quoi? C'est le prix, c'est la quantité de travail socialement nécessaire à la production des biens de consommation élémentaires qu'un travailleur doit consommer pour revenir travailler le lendemain. C'est-à-dire manger, plus des pâtes tous les jours, avoir un toit pour pas crever de froid, pouvoir s'habiller, se soigner éventuellement si vraiment s'il est malade, pour pouvoir revenir travailler et pour pouvoir être à nouveau exploité le lendemain. Donc le prix de sa force de travail, elle peut être réduite à très peu. Et d'ailleurs, la classe dirigeante tend constamment à chercher à réduire au minimum le prix de la force de travail. Mais la lutte des classes, et notamment en 1946, impose des augmentations du prix de cette force de travail, parce que les travailleurs disent « nous, on veut aussi la sécurité sociale, on veut aussi des retraites, on veut aussi ceci, on veut aussi cela ». Et donc ça rentre dans le prix de la force de travail. Et quand un infirmier soigne gratuitement un travailleur, il ne crée pas à proprement de la valeur, il ne crée pas de la valeur aussi utile que soit son travail, mais son salaire, le salaire de l'infirmier ou de l'infirmière, fait partie des frais de production de la force de travail. Et ça, Friot, il l'évoque en passant, mais il l'évacue sans chercher à répondre sur le fond à cet argument marxiste. Bon, si vous voulez, le docteur du public, il ne crée pas de la valeur directement, il en crée indirectement en tant qu'il contribue à la production et à la reproduction de la force de travail qui, elle, va créer de la valeur dans le processus d'exploitation capitaliste. Et Friot peut bien proclamer tout ce qu'il veut. Il peut bien proclamer l'existence que tous les travaux créent de la valeur. Ça reste une proclamation, ce qui fait qu'à plusieurs endroits, son texte est très idéaliste. Il dit « il suffit de voir que, il suffit de considérer que ». Si on regardait un peu autrement les choses, on verrait que, en fait, et on a l'impression que les rapports de production sont l'effet d'un point de vue, d'un regard qu'on porte sur eux, alors que c'est un phénomène objectif, et un phénomène objectif qui échappe aussi à la volonté individuelle des patrons individuels. Et les lois du système capitaliste opèrent à l'insu de la classe dirigeante elle-même, bien qu'elle joue un rôle fondamental dans ce processus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les fonctionnaires ne fassent pas partie de la classe ouvrière, sous prétexte qu'ils ne créent pas de la valeur au même titre qu'un travailleur exploité dans une entreprise privée. Ils font partie de la classe ouvrière, et bien sûr ils font un travail utile, mais parce que eux, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur force de travail, parce qu'ils n'ont que leur force de travail pour vivre. Si les gens deviennent fonctionnaires, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne possèdent pas une banque ou parce qu'ils ne possèdent pas une grande entreprise. Donc, et évidemment que l'État, et à travers l'État, la classe dirigeante, cherche à réduire au minimum le salaire des fonctionnaires, de réduire le prix de leur force de travail au minimum, quand bien même cette force de travail ne crée pas de la plus-value comme dans une entreprise privée. Et évidemment qu'ils ont les mêmes problèmes que les travailleurs du privé. Et que leur sort est lié avec ceux du privé, comme on le voit bien. Un coup, on attaque le privé, ensuite on attaque le public. Si on attaque le public, c'est pour préparer une nouvelle attaque contre le privé. On a vu ça avec le système des retraites en France. Et puis quand il y a des coupes dans les dépenses publiques, c'est évidemment le travail des fonctionnaires et leurs conditions de vie qui sont affectées. Par ailleurs, un médecin du public, il va se mettre à créer de la valeur capitaliste, comme dirait Friot, de la seule qui existe sous le système capitaliste, qui opère, dès lors que l'hôpital public va être privatisé. Parce qu'à partir du moment où l'hôpital est privatisé, les marchandises créées, les services créés et vendus dans le cadre de la clinique privée va générer une plus-value, et là vous allez avoir à nouveau la génération d'un profit privé, si bien que ce qui explique pourquoi la classe dirigeante constamment veut sortir du domaine public un maximum de services pour en faire à nouveau un élément de la production et de la valorisation du capital privé. Donc évidemment qu'on est solidaire de la lutte contre de telles opérations. Donc, au passage, plusieurs remarques. Non, une remarque, pardon. Friot, il identifie les cotisations sociales à la valeur communiste. Parce que selon lui, elle échapperait, cette valeur communiste, complètement à la valeur, au processus de valorisation du capital. Mais en réalité, même si le médecin du public ne valorise pas directement le capital, c'est pas vrai que les cotisations sociales, qui vont le payer, elles échappent, elles, complètement, entièrement à la valorisation du capital. Pour deux raisons. Premièrement, sous le capitalisme, les cotisations sociales, le salaire socialisé, peut très bien alimenter le secteur privé. Demander aux patrons de l'industrie pharmaceutique s'ils aiment bien l'assurance maladie. Ils adorent, c'est ça qui paye les cotisations sociales prises sur les salaires, sur les richesses créées dans le privé, vont payer les remboursements des médicaments que paye l'industrie pharmaceutique. Donc l'argent peut être très bien siphonné par le secteur privé à partir des cotisations sociales. Ou dans les cliniques privées, etc. Deuxièmement, de façon plus générale, le salaire socialisé, comme le salaire direct que touche un travailleur, où est-ce qu'il va ? Ben, il retourne dans le marché. Parce que le travailleur, il va acheter ses pâtes, son pain, ses vêtements, où ? Dans le monde communiste de Friot ? Ah ben non, il n'existe pas. Ben, donc dans le marché capitaliste. Et donc, la valeur communiste va se retrouver recyclée dans le marché capitaliste, et donc dans le processus de valorisation du capital. Bref, là, d'ailleurs, Friot, il le remarque lui-même, dans un de ses articles, il y a une remarque qui fait un peu rigoler, parce qu'on se demande s'il se rend compte de la tautologie qu'il est en train de formuler. Il dit comme ça, au terme de son développement théorique, il dit « Une des principales limites de la création de la valeur communiste, c'est qu'elle se limite à la production marchande. À la production non marchande. Même après-guerre, le capital a su conserver son hégémonie sur le domaine marchand. » Mais oui, le capital, c'est le domaine marchand. Donc, c'est-à-dire qu'il ne capte pas que le domaine marchand, c'est précisément la base, la production pour un marché, l'économie de marché, c'est le socle du capitalisme. Si vous n'avez pas d'économie de marché, vous n'êtes plus dans le système capitaliste. Voilà, donc il est dans une tautologie dont je ne suis pas sûr qu'il se rende compte. Donc, on a vu que Friot rangeait tout et n'importe quoi dans la création de valeurs communistes, le médecin de l'hôpital public, l'enseignant, mais aussi les activités des parents dans le foyer familial, ou mieux encore, l'activité des retraités. Bien que ma grand-mère, dans ses allers-retours entre la cuisine et la télévision, crée de la valeur, et de la valeur communiste, je l'ai appelée, elle était très contente, à longueur de journée. Et il insiste là-dessus, parce qu'évidemment, il est beaucoup attaqué là-dessus, Friot. Oui, les retraités créent de la valeur. Tous. Parce qu'ils ont une activité, et que toute activité crée de la valeur. Alors qu'en réalité, les retraites, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour que les travailleurs cessent, ces travailleurs-là, cessent de créer de la valeur, en cessant d'être exploités. La retraite, c'est le droit à ne plus créer de la valeur. C'est pas la rémunération de la valeur créée dans par leur activité, c'est le droit de ne plus avoir à créer de la valeur, de la seule manière qu'on puisse créer de la valeur sous le capitalisme, c'est-à-dire en étant exploité. Donc, voilà. Bon, pour arriver à une conclusion aussi étrange que les retraités créent de la valeur, Friot est obligé de passer par une définition de la valeur nouvelle, différente de celle de Marx, encore qu'il prétend s'appuyer sur Marx, puisqu'il dit « la valeur, c'est du travail ». Il prend ça chez Marx. « La valeur, c'est du travail ». En réalité, c'est bien plus précis que ça chez Marx. Parce que tout travail ne crée pas de valeur. Vous avez des travaux qui créent de simples valeurs d'usage, mais qui ne sont jamais des valeurs d'échange, sans valeur d'échange, y compris quand ce travail est rémunéré. Donc, Marx il disait, c'est le travail d'un, par exemple, encore une fois, un médecin du public. Il consomme des richesses, mais il ne crée pas de nouvelles richesses. C'est pas la même chose. Du point de vue, encore une fois, de la valeur, de la loi de la valeur sous le capitalisme. Il y a chez Marx de réalisation de la valeur que dans l'échange entre marchandises. Et dans l'échange entre marchandises, qui crée une plus-value, etc. Donc, lui, mais Friot, il s'en fout. Il se contente du raccourci travail, tout travail est génératrice de valeur. Il ne parle pas de valeur d'usage, hein, il parle de valeur au sens de la valeur économique, la valeur que Marx lui appelle valeur d'échange, mais que Friot se garde bien de jamais appeler valeur d'échange, il appelle ça valeur économique. Donc avec un nouveau concept comme ça, qui n'est pas celui de Marx, discrètement, il part sur une autre définition, et sur la base de cette définition très générale et très abstraite de la valeur, il dit, je le cite, « Ce qui vaut, ce qui a de la valeur, ce qui est considéré comme du travail dans l'espace infini des activités humaines n'est autre qu'une convention décidée par les rapports sociaux. Donc c'est une convention. Ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas, c'est une convention décidée par les rapports sociaux. Et il poursuit. N'importe quelle activité pourrait être validée socialement comme travail, mais cette validation fait l'objet d'une lutte des classes. Ceux qui déterminent si telle ou telle activité constitue ou non un travail détiennent le pouvoir sur la production. La classe dirigeante ne tire sa puissance que de la maîtrise du travail. Conserver cette maîtrise l'obsède, sans elle, pas de profit. On le voit très clairement dans cette situation. Pour Friot, le pouvoir de la classe dirigeante, ce n'est pas le contrôle des moyens de production. Ça existe, on ne le retrouve jamais dans les idées de Friot. Ce n'est pas qu'elle contrôle les moyens de production, c'est qu'elle maîtrise le travail. Cette abstraction de Friot. Sa capacité à décider ce qui est du travail et ce qui n'en est pas. Et dès lors, si cette décision échappe au patron, si, comme dans le système de cotisation sociale, la décision de ce qui est du travail n'en est pas échappe au patron, le pouvoir du patronat recule. Et donc, pour pouvoir en finir définitivement avec la classe dirigeante, il suffit de développer la valeur communiste, de priver la classe dirigeante de son contrôle du travail. Comment ? C'est pas nécessaire de faire une révolution. Il suffit de généraliser, on revient à 1946, il suffit de généraliser ce qui s'est fait en 1946, généraliser le système de sécurité sociale et d'étendre le système de cotisation sociale à l'ensemble de l'économie. Alors comment est-ce que Friot compte s'y prendre pour étendre le système de cotisation sociale à l'ensemble de l'économie ? C'est simple, selon lui. Dans toutes les entreprises capitalistes, petites ou grandes d'ailleurs, ce qui est frappant chez Friot, il ne fait pas comme chez les marxistes une distinction entre les grandes multinationales et le petit propriétaire. Tout est pareil. Et il se préoccupe surtout du petit propriétaire, parce qu'il pense que les multinationales vont régler ce problème très simplement. Il faut instaurer, il dit, deux cotisations dans toutes les entreprises. Hein, deux cotisations prélevées sur la valeur ajoutée. Une cotisation qui alimentera une caisse de salaire et une cotisation qui alimentera une caisse d'investissement. Attention, ces deux cotisations, ce n'est pas des petites cotisations de 5-10%. Ces deux cotisations-là, elles prennent la quasi-totalité de la valeur des richesses créées par les entreprises. OK ? Il y a une petite ambiguïté. Il dit on laisse un petit peu quand même, 3-5%, il ne précise pas. On suppose que c'est pour les patrons, je ne sais pas si c'est pour le profit. Mais il y a 2-3% qu'on va peut-être pas, on va peut-être pas tout prendre. Il hésite un peu là-dessus. Mais pour le reste, vous imaginez, une entreprise X, elle a un chiffre d'affaires d'un million sur l'année. Les 1 million ou 990 000 seront pris en cotisation sociale. Bon. Pourquoi ces caisses de salaire ? Mais pour payer les salaires. C'est-à-dire, le salaire n'est plus payé par le patron. Sur la base du chiffre d'affaires, le salaire est payé par des caisses de salaire. Ils sont alimentés par les cotisations prélevées dans toutes les entreprises du pays. Et de même, les investissements ne sont pas. Les frais d'investissement ne sont pas payés par les entreprises locales, mais sont payés par les caisses d'investissement au niveau national. Vous voyez ? Toutes les entreprises viennent alimenter par deux cotisations une gigantesque caisse des salaires qui vient payer les salaires de tout l'économie, et une gigantesque caisse des cotisations qui va alimenter les investissements de tous les pays, de toutes les entreprises du pays. Bon, en conséquence, il n'y aurait plus de banques privées, dit-il, plus d'actionnaires, et c'est vrai, si on le suit, plus vraiment d'actionnaires. Puis les banques privées sont remplacées par les caisses d'investissement. Plus propriétaire privé des entreprises, c'est-à-dire que le patron, lui, il redevient un salarié lambda, il dit copropriétaire de l'entreprise, mais il perd le droit qu'il avait avant sur l'entreprise. Il n'y a plus de marché du travail non plus, à proprement parler, parce que il dit, et ça il insiste, pour que ce système fonctionne, il faut qu'on instaure un salaire à vie dès l'âge de 18 ans. Vous avez 18 ans, quoi que vous fassiez, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous avez droit à 1 500 €, par exemple, et ce, jusqu'à la fin de vos jours, mais votre salaire de 1 500 €, qui est le salaire à 18 ans auquel tout le monde a droit, sera réévalué, rehaussé au fil de votre vie, parce que vous aurez accumulé de l'expérience, parce que vous aurez passé des concours, etc. Et donc, puisque tout le monde a droit à un salaire, il n'y a plus de marché du travail à proprement parler, c'est-à-dire que les travailleurs ne vont plus aller vendre leur force de travail à un capitaliste individuel, puisqu'il a son salaire, il est fixé par la caisse des salaires au niveau national. Bon, évidemment, ça, c'est un des aspects. On touche là à ce qui plaît chez Friot. Pas simplement parce que les jeunes se disent ouais, chouette, j'aurai 1500 balles dès 18 ans, ou tout le monde aura 1500 balles et ensuite on pourra faire ce qu'on veut. Mais c'est parce qu'ils se disent, ça c'est un coup porté au système capitaliste. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est un coup porté au système capitaliste. Le système capitaliste, il est quand même en mauvais état. Mais ça pose quand même deux problèmes, de point de vue marxiste. Premièrement, si un tel système est possible, ça revient à priver les capitalistes du contrôle de leur entreprise et de leurs profits, naturellement, puisque l'intégralité de la valeur ajoutée part dans des caisses, et on laisse, on ne sait pas trop, 1 ou 2% au patron, peut-être pas, c'est pas clair. En tout cas, ils vont pas être contents, les patrons, ça c'est certain. Mais Friot se préoccupe pas le moins du monde de savoir quelle sera la réaction du patronat. Il n'y a pas besoin d'une révolution. Pourquoi ? Parce que son modèle, c'est 46. Il dit en 46, certes, il y a eu une lutte des classes, ça a été une bataille féroce, surtout des ministres communistes. Hein. Les ministres communistes se sont bien battus, Ambroise Croizat, etc. Et ils ont quand même réussi, dans le rapport de force, à arracher ça. Et dit, donc s'ils sont arrivés en 1946, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Si bien qu'il prévoit, il anticipe cette augmentation massive de la cotisation sociale jusqu'à priver le capitaliste de tout chiffre d'affaires comme un processus graduel et qui ne devrait pas poser tant de problèmes que ça si tant est qu'on exerce une amicale pression et que les travailleurs s'organisent sur le terrain. La question du parti n'est pas posée. Est-ce qu'il faut un parti pour faire ça? Non. Enfin, les bouquins de Friot semblent suffire. Le pouvoir d'État, l'État, il s'en préoccupe pas. Est-ce que la classe dirigeante peut, par l'appareil d'État, organiser une résistance contre un tel mouvement? Aucun intérêt pour Friot. Il faut juste, il dit, s'y mettre. Par exemple, je cite, il faut s'auto-organiser sur les lieux de travail pour organiser le refus du versement des dividendes et organiser la hausse des cotisations. Donc vous imaginez, on parlait du syndicalisme tout à l'heure, votre délégué CGT, il arrive à la réunion le lundi matin, en pleine lutte pour les salaires, et il dit, camarades, on arrête la lutte pour les salaires, c'est réactionnaire, on va organiser une manif aujourd'hui pour refuser le versement des dividendes. Demander à notre patron de bien vouloir ne pas verser les dividendes qu'il a prévu de verser à la fin du mois à ses actionnaires privés. Quand je vous disais que ça ne peut pas rentrer dans la tête du mouvement ouvrier, cette histoire, c'est que, vous voyez, vous rigolez. N'importe quel travailleur sérieux, il entend un truc pareil, il va dire « Non, je vais quand même plutôt lutter pour mon salaire parce que c'est plus concret, ça a plus de chances d'arriver, puis je ne vois pas, en fait, bon, bref. » Oui, alors, et deuxièmement, le deuxième problème, j'ai presque fini, c'est que la société soi-disant communiste que décrit Bernard Friot n'a rien à voir avec le communisme authentique, tel que Marx l'a anticipé de façon scientifique. Parce que la loi de la valeur, bon, de la valeur communiste, mais la loi de la valeur quand même, continue de régner en maître, si bien qu'elle déterminera toujours le prix des marchandises, il y aura toujours un marché. Il n'y a plus de marché du travail, mais il y a quand même un marché des biens de consommation, un marché de toutes les autres richesses. Il enlève juste la force de travail de ce marché. Pour l'éternité, hein. C'est-à-dire que l'argent, le marché, tout ça, c'est pour toujours. Et puis ça fonctionne bien. Il dit, je vois pas comment on peut s'en sortir autrement sans un marché et sans de l'argent pour fixer les prix et la valeur des marchandises. De même, il y a toujours l'aliénante division du travail qui existe sous le capitalisme, qui fait que un travailleur va passer 40 ans de sa vie sur une machine à faire la même opération de production. Ça, Friot, ça le préoccupe pas. De même, puisque ça le préoccupe pas du tout de baisser le temps de travail. Ils ne pensent pas, ils pensent que les gens ils veulent le salaire à vie, mais qu'ils sont prêts à bosser 35-40 heures par semaine. À aucun moment, ils abordent ces questions-là qui sont absolument centrales dans le communisme, parce que sans une baisse du temps de travail, il n'y a pas de communisme. Les gens ne vont pas pouvoir participer à la vie démocratique, à la vie politique, et élever leur niveau culturel, etc. Il n'y a rien sur le main, il n'y aura pas de planification de l'économie, mais un réseau d'entreprises dont la marche restera largement dans chaque entreprise sous le contrôle des travailleurs. Si bien que ce qu'il dessine, c'est une sorte de coopérativisme général, où dans chaque entreprise donnée, qui n'est plus une entreprise privée au sens capitaliste du terme, mais ça reste, c'est une coopérative qui est copropriété d'usage, il dit, copropriété d'usage des travailleurs de l'entreprise donnée, qui produisent pour un marché, et qui sont donc en concurrence sur le marché, comme toujours sur un marché, avec les entreprises, avec les travailleurs d'autres entreprises. Et donc c'est un vaste système de coopératives qui n'a rien à voir avec la planification, la centralisation d'une économie socialiste et puis communiste. Bien sûr, l'État demeure. Pas question chez Friot que l'État s'éteigne, comme dans la théorie marxiste, avec la fin de la domination de classe. C'est curieux, il n'y aurait plus de classe sociale chez Friot, mais il y aurait quand même un État. L'État, quelle est sa fonction? Ben, il dit rien sur les forces, sur l'armée et la police, mais ce qu'on devine, c'est que la fonction de l'État, c'est quand même ses caisses d'investissement et ses caisses de retraite, qui seront gérées par qui? Il dit par les travailleurs, mais les caisses nationales d'investissement et de retraite ne vont pas être gérées par tous les travailleurs. Donc ça va être des friotistes sup qui vont constituer le sommet de l'État, je suppose. Ouais, bref, je conclue, dans son essence, c'est un réformisme. Il s'agit d'exercer une pression sur la classe dirigeante pour l'obliger à renoncer à ses profits, à sa propriété. Mais pour le reste, on garde tout le reste. Ni nationalisation, ni planification, ni rien. Comme en 1946, ça c'est son modèle, y compris sur le plan politique. Donc voilà, j'espère que l'exposé aura un peu clarifié ses idées. J'arrête là. Super, bah, merci beaucoup. Vous pouvez venir me voir pendant la pause si vous avez des interventions. On va reprendre.